Lou Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé. Par Yves Simon. Lou Andreas Salomé représente celle que l'on aurait aimé rencontrer, ne fût-ce qu'un instant, pour se laisser foudroyer par elle, torturer par elle, fasciner par elle. De plus, elle a exercé sa mystérieuse attraction dans des villes chargées de notre histoire littéraire, de l'histoire des arts et de l'histoire tout court. Ce personnage singulier qu'est Lou, attirante, agaçante, séduisante, fut de toutes les révolutions culturelles qui vont compter et transformer une partie de l'humanité au cours du XXe siècle, celle de la philosophie avec Nietzsche, celle de la poésie avec Rilke, celle enfin de la psychanalyse avec Freud. Personnage éminemment moderne, échevelé de vie, Lou fait partie de cette génération qui s'est posée en premier la question sur le devenir de l'homme, puisqu'elle venait de prendre conscience qu'il lui fallait désormais vivre dans un monde sans Dieu. C'est avec ses avenues des cités de la Mittel-Europa, avec ses visages sortis des brumes de l'Est, ses êtres épris de beauté et d'étrangeté que nous allons faire connaissance, avec cette galaxie de lieux et de personnages qui, tels des sentinelles attentives et vigilantes, se sont inquiétés de ce beau visage afin de lui offrir un des plus tendres cadeaux de l'histoire, une existence d'exception. Les jours passaient. Déjà l'hiver laissait place à un temps plus doux. Alexandre Pouchkine. Les tsars construisent les villes, les poètes les emplissent de leurs rêves. Il n'est pas exagéré de dire que Saint-Pétersbourg est une création de l'imagination autant qu'une ville réelle. Deux fondateurs prestigieux se sont penchés sur son berceau, le tsar Pierre le Grand, qui le premier l'a fait surgir des marais inhospitaliers de la Baltique, et Pouchkine, qui fut le premier à l'avoir rendu lunaire et imaginaire, à en avoir fait l'un des mythes les plus puissants de la conscience russe du XIXe siècle. À Saint-Pétersbourg, Gustave von Salomé, général à la retraite, aime les longues promenades. Il aime déambuler et marcher sur la perspective Nevski, sur les larges boulevards de sa somptueuse ville. Sa femme, Louise, déteste. Ce sera donc avec son dernier enfant, la petite Lou, qu'il va arpenter les avenues, qu'il va la prendre par le bras comme une jeune fille, ce dont elle est très fière. Les rapports avec la mère ne sont pas de nature aussi affectueuse. Il suffit d'une anecdote pour comprendre. Un jour, la petite fille se trouve sur une plage avec elle et la regarde nager. De loin, elle crie « Mouchka, chérie, noie-toi, je t'en prie ». La mère interloquée pense que l'enfant ne sait pas ce qu'elle dit et répond « Mais ma chère petite, je mourrai ». « Ça ne fait rien », lui est-il asséné. Le jour de la naissance de Lou Andreas Salomé, le 12 février 1861, est une date que retiendra l'histoire, puisque, dès l'aube du lendemain, le tsar Alexandre II décide de l'émancipation des paysans russes, les Moujiks, chers à Tolstoï et à Dostoïevski. L'enfance de la jeune fille est un cocon de luxe et de beauté. En effet, les Salomé habitent dans le quartier huppé de la ville, celui des ambassades entre la Neva et la Moïka, près de l'état-major des armées, à deux pas du palais d'hiver, la résidence du tsar, qui deviendra plus tard le musée de l'Ermitage. Non loin encore des jardins de l'Amirauté, des théâtres, des bibliothèques. Saint-Pétersbourg avait le charme de Paris et de Stockholm. Elle faisait l'impression d'une ville cosmopolite malgré sa splendeur de ville impériale. Ses traîneaux tirés par des rennes et ses palais de glace illuminés par la Neva, ses printemps tardifs et ses étés caniculaires. C'est Lou qui, dans ses mémoires, décrira ainsi sa ville natale. Sa maison ressemble à un palais, avec ses immenses couloirs, ses larges pièces, hautes comme des églises, son piano à queue et ses épaisses tentures de velours lisse. Les Salomé reçoivent et mènent une vie mondaine dont Lou n'a cure. J'ai grandi entourée d'uniformes d'officiers. Solitaire, elle se replie dans sa chambre, glisse sur les parquets cirés, chaussés de ballerines. Je me revois très facilement évoluer ainsi, ce qui me donnait le sentiment d'être seule au monde. Sans doute une impression qu'elle gardera toute sa vie, les autres n'étant que les figurants d'un ballet dont elle sera toujours l'unique héroïne. Si le général Salomé sera à jamais le premier amour de Lou, La grande affaire de son enfance est Dieu. La solitude, certes, est son amie. En réalité, c'est avec lui qu'elle se réfugie. Avec qui elle parle et monologue pendant que les invités de ses parents plastronnent sous les ors du grand salon. Chimère de petite fille à l'imagination débordante, elle rêve et s'invente des mondes enchantés, telle la liste de Lewis Carroll, et ne parvient plus à faire la part de ses affabulations et celle de la réalité. Déjà, elle ment vrai, reproche qui lui sera fait tout au long de sa vie adulte, mais Dieu est de toutes ses créations sa plus merveilleuse invention. Témoignage de sa foi, un poème fervent, retrouvé plus tard lorsqu'elle rassemble ses papiers de jeunesse. Ô ciel clair au-dessus de moi, c'est à toi que je veux me confier. Fais que les joies et les peines d'ici-bas ne m'empêchent pas de lever mon regard vers toi. Toi qui te déploies sur tout, à travers les espaces et les vents, montre-moi le chemin si ardemment déchiré où je te retrouverai. Hendrik Gillou est néerlandais, tuteur des enfants du tsar et titulaire de l'église luthérienne de la ville de Saint-Pétersbourg. À 16-17 ans, Lou est une très belle jeune fille, aux cheveux longs, blonds et abondants, aux jambes longues, à la bouche bien dessinée. Un défaut à la jolie gravure, une absence totale de seins qui donne à la silhouette un statut androgyne, comme s'il fallait déjà retenir les attributs de la séduction et de la sensualité féminine pour que les rapports avec les hommes ne se placent que sur le plan de l'amitié et des idées. Gillou va s'y brûler les ailes. Gillou a 41 ans, marié, père de deux filles de l'âge de Lou. Figure d'acteur, voix chaude et grave, il séduit les femmes qui remplissent la petite église où il officie sur la perspective Nevski, en face du palais Stroganov. Lorsque Lou se rend pour la première fois au prêche du pasteur, son père adoré est à l'agonie. Elle sent bien qu'il va bientôt lui falloir quitter le cocon familial et devoir affronter le monde extérieur. Elle voit aussitôt en Gillou cet homme qui va parfaire son éducation, la conduire dans ses lectures et guider sa découverte des grandes idées et des penseurs. Après avoir entendu le pasteur en prêche et être tombé sous le charme de sa voix et de son érudition, Lou se procure son adresse et lui écrit un billet. Pas pour des scrupules d'ordre religieux, a-t-elle besoin de préciser. Pour la première fois, mes rêveries et mes chimères enfantines furent intégrées dans la réalité. Un être de chair et d'os avait pris leur place. Un être humain. L'homme-Dieu existe donc, et l'idylle, entre guillemets, durera 2 ans. Une histoire d'apprentissage, d'échange et d'études. De sensualité si peu, de sexe encore moins. La liaison avec le pasteur va être la matrice qui servira désormais jusqu'à la rencontre avec Rilke, à la plupart des relations amoureuses qu'entretiendra Lou avec les hommes épris d'elle. Leur relation va être clandestine, ce qui ajoute du piment au sentiment et qui exalte la jeune fille. Lorsqu'elle sera à son domicile pour la première fois, le pasteur s'exclame « Vous êtes venu à moi ». Il lui ouvre grand les bras dans lesquels elle se précipite en larmes. La préparation religieuse deviendra vite un prétexte, puisqu'il va l'abreuver de culture et de connaissances. Avec lui, elle apprend l'Ancien Testament, la métaphysique et la logique, les auteurs qui étayeront ses futures conversations avec Nietzsche, Kant, Kierkegaard, Rousseau, Voltaire, Descartes, Pascal, Leibniz, Fichte, Schopenhauer. Dans ses multiples carnets bleus, son journal, elle note encore des études sur le théâtre français de Corneille, sur Port-Royal, sur la Marie Stuart de Schiller. Gillou était en train de pourvoir intellectuellement Lou pour le restant de sa vie. Il lui donne les clés du savoir, et dans une tête aussi bien faite que celle de Lou, c'est un passeport universel qu'on est en train de lui offrir. Trois événements de taille vont traverser et entacher l'hiver de ces années 1878 et 1879. Le père de Lou vient de mourir et avec lui le monde de l'insouciance et de son enfance. La rupture définitive de Lou avec l'église russe de ses parents, enfin la révélation à sa mère de ses rencontres clandestines avec Gillou. C'est le pasteur lui-même qui, convoqué pour explication par Madame Salomé, parvient à convaincre celle-ci de l'utilité des cours qu'il donne à sa fille. Rien donc ne sera plus clandestin. Thank you. Ce que j'avais adoré déserta tout d'un coup mon cœur et mon esprit et me devint étranger. Dans cette conquête de l'intellect, le maître et l'élève s'embrasent. Gilou la prend fréquemment sur ses genoux. Elle minaude comme une enfant et se rend à peine compte du trouble qu'elle suscite. Faire quelque chose de mal était impossible, écrira-t-elle dans son autobiographie. Y croit-elle vraiment ? Être à 18 ans sur les genoux de son professeur n'est ni banal ni anodin. Elle n'en a cure et fait comme si tout cela était normal. Toute sa vie, elle aimera jouer du trouble qu'elle suscite, feindra de n'y rien voir et mettra cela sur le compte de fantasmes masculins qui ne sont pas les siens. Toujours est-il que Gilot s'enflamme, qu'il devient amoureux. Et un jour, ils sont en train de travailler dans son bureau. Il l'étreint avec fougue, lui révèle sa passion et la demande en mariage. À son insu, il en avait fait tous les préparatifs secrets. La jeune fille tombe des nues. C'est comme si Dieu lui-même venait de lui proposer une aventure. Déconvenu de loup, ainsi l'homme-Dieu n'était qu'un homme. L'innocence de son amour de petite fille disparaît à la seconde. Elle n'a alors qu'une idée, quitter Saint-Pétersbourg, qui continuerait à mettre Gilot sur sa route, s'affranchir de la Russie et aller à la rencontre de l'Europe, là où l'effervescence artistique est un phare pour le reste du monde. Elle choisit Zurich, qui est une des rares universités à accepter les femmes comme étudiantes. De plus, c'est là qu'exerce Aloïs Biedermann, théologien éminent du moment. À l'annonce du vœu de Lou, le pasteur Gilot est consterné. Jamais donc ils ne pourront s'espérer ni s'attendre, le temps qu'il puisse la convertir à son amour et la convaincre de partager sa vie. En cette fin du XIXe siècle, de nombreux adolescents de la bourgeoisie européenne rêvent de devenir compositeurs, poètes, écrivains, philosophes, chefs d'orchestre, militaires bien sûr. Alors que les professeurs corrigent encore les virgules des dictées, les élèves se projettent en Baudelaire, Pouchkine, Mahler, Hölderlin. Cette région du monde va devenir le lieu des utopies, de la nouveauté et de l'extravagance. On croit plus que tout au progrès, et la science, liée au savoir, en est le signe. La raison est, et demeure, l'instigatrice des comportements humains. Le docteur Freud n'a pas encore sillonné les souterrains soupçonnés de la libido, et pour l'heure, tout de chair chrétienne, le corps n'existe pas. Tout spécialement celui des jeunes filles de la bourgeoisie, est-ce eût été offenser la sainteté de la femme que de leur concéder une once de désir. En Europe comme en Russie, elles vivent dans une ambiance stérilisée avec chaperonnage obligatoire, mère ou gouvernante. Il leur faut jusqu'à l'abrutissement s'exercer au piano, chanter, apprendre les langues étrangères, l'histoire de l'art, la littérature. Cultivées à l'excès, les jeunes bourgeoises de cette fin de siècle auront ainsi à peine le temps, croit-on, de rêver à l'amour, et encore moins celui d'imaginer le délice des caresses interdites. Lou Salomé fut à la fois soumise à cette réglementation obsessionnelle des mœurs et n'aura de cesse de la transgresser, en esprit. Son corps, en revanche, attendra des années pour régler cette dualité due au hasard de l'histoire. Ses admirateurs, eux aussi, attendront, qui auront cru que cet esprit libre était l'habitant d'un corps tout aussi libéré. Double paradoxe pour celle qui troublera les deux hommes, Nietzsche et Freud, qui justement auront redonné place au corps, à ses pulsions et à son exaltation. En déséquilibre permanent sur deux modes de pensée, Lou laissera sa sexualité enfermée dans un 19e siècle finissant, alors que son esprit sera tout entier dans le 20e, tourné vers une poétique de la jeunesse, passionnée par tout ce que l'esprit humain entreprend et découvre. La petite ville du monde la plus cosmopolite était Zurich, le grand village suisse où débarque en septembre 1880 Madame von Salomé, mal remise de l'épisode Gilot, et sa fille, celle-ci a 19 ans. Entrée remarquée à l'université pour Lou, puisque le professeur Biedermann écrit aussitôt à Madame Mère. Votre fille est une femme vraiment peu commune. Elle a une pureté et une intégrité de caractère enfantine, en même temps qu'une attitude d'esprit et une indépendance de volonté qui ne sont pas d'un enfant, ni presque d'une femme. Votre fille est un diamant. À Zurich, le diamant écrit les vers, la poésie est déjà sa compagne. Certes, comme on aime un ami, je t'aime, vie énigmatique. Que tu m'aies fait exulter ou pleurer, que tu m'aies apporté bonheur ou souffrance. Je t'aime avec toute ta cruauté, et si tu dois m'anéantir, je m'arracherai de tes bras comme on s'arrache au sein d'un ami. De toutes mes forces, je t'étreins. Que tes flammes me dévorent. Dans le feu du combat, permets-moi de sonder plus loin ton mystère. 1880. Le palais d'hiver est incendié par des opposants, et en 1881, le tsar Alexandre II est tué par une bombe à Saint-Pétersbourg. Nicolas II lui succède, qui introduira Raspoutine à la cour de Russie. À Zurich, Lou suit les cours de religion comparée, de théologie, de philosophie. L'histoire de l'art se fait avec Kinkel, l'un des principaux révolutionnaires allemands de 1848, devenu un vénérable vieillard. C'est lui qui va jouer indirectement un rôle déterminant pour la vie de Lou, en lui indiquant à Rome la femme qui va lui faire rencontrer deux hommes qui compteront dans sa vie, deux jeunes philosophes, deux amis, Paul Rey et Friedrich Nietzsche. Pour l'instant, nous sommes encore en Suisse et une des premières et célèbres photographies de Lou date de cette époque zurichoise. Elle a 20 ans. Robe austère et noire la couvrant des pieds au cou, sans aucun ornement sauf un parement de dentelle blanche au poignet et à l'encolure. Le plus intéressant dans cette photo est la fascinante physionomie au sortir de cet écrin sombre. Cheveux blonds noués en arrière, yeux clairs, nez et menton bien dessinés, la grâce troublante d'un corps androgyne, un visage de Madone et surtout un regard disséquant ceux qui l'observent et que nul ne peut oublier. Lou est une passionnée, le travail est sa drogue, elle outrepasse ses forces et s'affaiblit. Comme cela lui était parfois arrivé avec Gillot, Lou a des évanouissements et ils sont de plus en plus fréquents. Un jour, elle se met à cracher le sang. Un médecin conseille un changement radical de climat, le sud devient une recommandation et l'Italie une évidence. La détresse des âmes les plus libres, ce mal du pays sans pays. Friedrich Nietzsche. En janvier 1882, la mère et la fille débarquent à Rome avec en poche une lettre de recommandation de Kinkel pour une femme d'importance, Malvida von Meisenburg. Elle est celle des grands mouvements féministes allemands, celle encore, qui a offert sa vie au mouvement social révolutionnaire de 1848 et à tout ce qui touche la liberté et l'émancipation humaine. Elle écrit essai sur essai, mettant à l'index les systèmes éducatifs de l'époque. Elle est admirée et aimée de l'élite révolutionnaire européenne, politique et artistique. Garibaldi, Kossuth, Wagner. Intime de ce dernier et wagnerienne de la première heure, elle assista en 1872 au festival inaugural de Bayreuth où elle fit la connaissance d'un ami du couple Wagner, un jeune et brillant philosophe alors peu connu, Friedrich Nietzsche. Lorsque les premiers problèmes de santé de celui-ci empirent, d'effroyables maux de tête, elle l'invite dans l'une de ses résidences à Sorrente, dans la baie de Naples. Évadé plusieurs fois des portes de la mort, mais affreusement torturé par la douleur, je vis au jour le jour, et chaque jour contient l'histoire de toute une maladie. Nietzsche se rend à Sorrente avec un ami philosophe également, Paul Rey. Là, il écrit Humain trop humain, et Rey, les origines de la morale. Nous sommes en 1878 et les deux jeunes philosophes accueillent froidement les avis de Malvida sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'importe, du haut de ses 60 ans, elle les considère comme ses enfants. Peu après, définitivement, Malvida von Meisenburg choisira de vivre à Rome, la seule ville qui soit un poème vivant et qui puisse satisfaire les besoins esthétiques de l'âme, dit-elle. C'est chez cette femme que débarque Lou. Dans son salon, un grand buste de Wagner sur fond de pourpre. La rencontre est fulgurante. Malvida accueille Lou comme sa fille. « La première fois que je vous ai vue, j'ai eu l'impression que renaissait ma propre jeunesse », lui écrira-t-elle aussitôt. Les deux femmes ne peuvent encore discerner leurs différences. Autant Lou agit suivant ses pulsions, en parfaite égocentrique qu'elle est, quitte à faire des dégâts auprès de ceux qu'il aime, autant Malvida, altruiste dans l'âme, n'agit qu'en conscience après s'être assuré que rien de ses actions ne pourra nuire de quelque manière que ce soit à ceux qu'il aime. Lou devient une familière de la maison de Malvida et leur premier point de discorde ne va pas tarder à se révéler. La cause en sera Paul Ray qui débarque un soir d'une manière aussi comique qu'étrange. Si Ray, l'ami de Nietzsche, est philosophe, il est aussi un joueur invétéré. Il arrive à l'heure du dîner en provenance directe du casino de Monte Carlo et demande sans autre préambule à Malvida de régler le taxi qui vient de l'amener jusqu'à Rome. Il n'a plus un seul billet, plus une seule pièce en poche, tout son argent ayant été englouti par sa passion, le jeu. Son arrivée fait sensation à la table des invités du soir parmi lesquels il remarque la jeune fille au regard bleu intense, Lou. Malgré les réticences de Malvida, il ne va pas manquer de lui demander la permission de la raccompagner jusqu'à la pension où l'attend sa mère, ce qui n'est pas inscrit dans le manuel de savoir-vivre des jeunes filles de l'époque. Le trajet est court et ils découvrent en même temps que ce qu'ils ont à se dire pourrait les faire traverser Rome 10 fois en une seule nuit. Sur l'amour, non. Mais sur la métaphysique, l'existence ou la non-existence de Dieu, l'éthique qui est le souci philosophique du jeune homme de 32 ans. Paul Ray tombe amoureux et imagine que les chapitres loups pourront s'écrire à son gré, à son humeur, à son charme. Bien sûr, il se trompe. S'il trouve en face de lui une jeune femme ardente qui semble habitée par toutes les questions qui la traversent, sur le sujet de l'amour, elle n'a en revanche que des certitudes. Pour Mademoiselle Salomé, tout est limpide. Il n'y a eu pour l'heure que 3 amours dans sa vie, Dieu, son père et Gilot, et quiconque ne porte sur lui une parcelle de divinité ne peut faire son entrée dans son panthéon. Elle fait alors part à Ré d'un rêve récurrent, un souhait, une utopie. Elle se voit dans un immense appartement rempli de fleurs avec 2 amis chers. Au centre, une large bibliothèque qui cerne des bureaux de travail et tout autour, 3 chambres. De lits communs, surtout pas. Ray est à la fois séduit par le rêve de Trinité et sidéré par le désir d'une fille aussi jeune à vouloir vivre avec 2 hommes. Il n'a pas compris que, comme chez les jésuites qui vont toujours par 3, le 3e n'est là que pour surveiller les 2 autres. Par amour et parce qu'il n'a qu'un désir, c'est de rester auprès de Lou, il propose à Malvida d'être leur chaperon. Au moins, il n'y aura pas de concurrence, songe-t-il. Malvida refuse de jouer le rôle qu'on lui propose, tandis que Madame von Salomé, mise au courant, manque de s'étrangler. Ray, qui veut exaucer le vœu de Lou, ne voit qu'une solution. Nietzsche. Il lui a rendu visite à Gênes récemment. Celui-ci est dans une telle solitude qu'une femme de cette nature et avec un tel éclat ne peut que l'enchanter et le stimuler. Il lui écrit sur le champ qu'une belle jeune fille russe rêve de le rencontrer. Et il presse Nietzsche de revenir à Rome les rejoindre au plus vite. Tout s'y oppose. La mère de Lou veut ramener sa fille en Russie et écrit à Gilot afin qu'il tense Lou et la raisonne, ce qu'il fait. Révolte de la jeune fille qui veut vivre sa vie comme elle l'entend et suivant ses inclinaisons propres. De plus, la renommée de Nietzsche est grandissante et la naissance de la tragédie vient de susciter nombre de commentaires. Une passion intellectuelle avec 2 philosophes qui commencent à compter excite Lou au plus haut point. Écœuré par la réponse de Gilot qui parle de devoir envers la société, lui qui a voulu quitter femme et enfant pour elle. « Je ne puis vivre selon un idéal, mais je puis vivre certainement ma propre vie. En agissant ainsi, je ne représente aucun principe, mais quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Quelque chose qui est en moi. Quelque chose qui est tout chaud de vie et plein d'allégresse. » La messe est dite, les 2 amis imprudents vont accepter le projet de trinité amoureuse concocté par Lou. Ré attend avec impatience l'arrivée de Nietzsche, espérant de tout son cœur que la puissante intelligence de son frère en philosophie parviendra à conquérir l'esprit de Madame von Salomé, afin que celle-ci leur laisse en gérance sa fille. C'était Lou Andreas Salomé par Yves Simon. Réalisation Doria Zénine. Équipe de réalisation pour la rediffusion en feuilleton, Catel Guillou et Thomas Beau.